Lettre 36e. Église apostolique française, sa doctrine, l'abbé Houzou, son sermon sur les plaisirs populaires. Parmi le grand nombre de recommandations qui m'ont été faites par mes amis d'aller voir telle chose ou d'aller entendre telle autre, recommandations auxquelles j'ai déjà dû tant d'agréments, il y en avait une qui m'avait été très souvent répétée. Il s'agissait d'aller visiter l'église apostolique française, sur le boulevard Saint-Denis, tant pour entendre prêcher l'abbé Houzou que pour observer les particularités du culte, ou pour mieux dire, de la doctrine de cette église, car les cérémonies de l'autel diffèrent peu, pour autant que j'ai pu m'en apercevoir, de celles de l'église de Rome, si ce n'est que sa pauvreté bien évidente ne lui permet pas d'étaler la splendeur qui d'ordinaire accompagne la célébration des offices de sa ribale. Je ne possède pas de données assez satisfaisantes pour pouvoir juger du degré de considération dont jouit cette nouvelle secte. Les uns parlent de ses chefs comme d'autant d'apôtres, tandis que les autres les traitent comme des parias indignes de fixer l'attention. Avant d'écouter l'abbé Houzou ou d'assister au service de son église, j'ai voulu lire quelques-unes des brochures dans lesquelles ils expliquent leurs dogmes, et en conséquence j'entrais dans un petit bureau situé derrière la chapelle sur le boulevard Saint-Denis, où l'on m'avait dit que je pourrais me les procurer. Ayant acheté un catéchisme, des hymnes, des sermons, etc., nous entrâmes en conversation avec le jeune homme qui présidait à cet obscur cabinet, honoré du nom de secrétariat de l'Église apostolique française. Il nous dit qu'il était vicaire de cette chapelle. Nous le trouvâmes très communicatif. La principale différence entre cette nouvelle Église et celles qui l'ont précédée dans la Réforme paraît consister dans la conservation de certaines formes extérieures du culte que les autres réformateurs ont rejetées, ainsi que de plusieurs dogmes, purement de doctrine et n'ayant aucun rapport avec les principes de pouvoir et de discipline ecclésiastique, dont l'abus a été la cause immédiate de toute réforme protestante. Ils admettent la présence réelle. D'un autre côté, leur clergé se marie. Ils nient que le prêtre possède le pouvoir de donner l'absolution, et lui accorde seulement celui d'intercéder par ses prières afin d'obtenir le pardon du pénitent. La confession auriculaire n'est pas ordonnée, mais recommandée comme utile pour les enfants. Il professe une tolérance complète pour toutes les variétés de croyances chrétiennes, mais en qualité d'église française, il refuse de reconnaître la dépendance d'une secte étrangère quelconque, expression par laquelle je pense qu'ils ont voulu désigner l'église de Rome. Il déclare aussi, d'après l'Évangile, que la religion ne doit jamais intervenir dans les gouvernements temporels. Ils reconnaissent les 7 sacrements, modifiant seulement celui de la pénitence, ainsi que je viens de le dire. Ils nient l'éternité des peines, mais sans parler du purgatoire. Ils ne commandent pas le jeûne. En toutes ces doctrines, il n'y a presque rien qui diffère de celle des églises réformées, si ce n'est la présence réelle dans les éléments de l'Eucharistie. Mais les cérémonies sont en tout semblables à celles de l'Église catholique. Du reste, quoi qu'il puisse y avoir de bien ou de mal dans ce mélange, son effet ne peut manquer, je pense, d'être absolument nul sur la société à cause de l'absence totale de toute hiérarchie ou discipline ecclésiastique quelconque. Cette Église ne reconnaît pas non plus de division de territoire, soit en arrondissement, soit en paroisse. Il serait impossible de porter plus loin que cela les principes décousus du siècle. Une corde de sable est le seul emblème qui puisse convenir à une communauté ainsi constituée, et comme elle, il faudra nécessairement qu'elle tombe en poussière, car il n'y a aucun principe d'union pour l'empêcher de crouler. Après avoir lu avec attention la brochure que je m'étais procurée, j'entendis prêcher un sermon, non par l'abbé Houzou, mais par la même personne avec qui j'avais causé au secrétariat. Son sermon était un exposé fortement tracé des abus du clergé de Rome, sujet plus fertile que neuf. En lisant quelques-uns des plus célèbres discours de l'abbé Houzou, j'ai surtout remarqué celui qu'il a intitulé « Discours sur les plaisirs populaires, les bals et les spectacles ». Le texte est pris de saint Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous soulagerai, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dans ce sermon, parmi quelques passages raisonnables et plusieurs autres qui paraissent plausibles, il est impossible de ne pas reconnaître un esprit de licence et d'insubordination qui ressemble plus à la révolution qu'à la piété. Je ne suis pas partisan de l'observance judaïque du sabbat, et je n'ignore pas les abus qui ont résulté du pouvoir que l'homme a voulu s'arroger de remettre les péchés des autres hommes, pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. L'autorité illégale qu'a usurpée le souverain pontife de Rome est aussi suffisamment évidente, de même que plusieurs autres abus relevés avec justice dans les sermons de l'abbé Ouzou. Toutefois, l'éducation, l'observation et je pourrais dire l'expérience m'ont appris que la religion aussi exige ce soin, cette protection, cette hiérarchie, qui est si indispensable à la prospérité de toute réunion d'êtres humains qui se rassemblent dans un but quelconque. Une église qui se gouverne elle-même est une idée tout aussi absurde que le serait celle d'un vaisseau qui se dirigerait de lui-même sur les mers. Mais pour en revenir au sujet de ce sermon, j'y trouve le passage suivant. Aussi, nous vous dirons dans notre chair apostolique, écoutez les commandements de Dieu, adorez et glorifiez notre Père qui est aux cieux, pratiquez la morale de l'Évangile, aimez votre prochain comme vous-même, et vous aurez accompli la loi de Jésus-Christ. Et nous ajouterons, vous êtes membre de la société pour laquelle vous avez été créé. Si cette société vous impose des devoirs, en échange, elle vous procure des jouissances et des plaisirs. Remplissez ces devoirs et livrez-vous ensuite sans crainte aux jouissances et aux plaisirs qu'elle vous présente. Votre participation à ces mêmes plaisirs, à ces mêmes jouissances, est encore une partie de vos devoirs et vous aurez accompli encore une fois la loi de Jésus-Christ. Certes, voilà une doctrine qui peut donner à l'Église apostolique le droit de s'intituler une Église nouvelle. Plus loin, l'abbé promulgue sa bulle pour permettre tous les genres de plaisirs parisiens. Il va même faire une promenade fort agréable et fort pittoresque à la campagne où les jeunes garçons et filles se livrent à des danses rustiques. En un mot, le tableau qu'il trace de son dimanche est des plus attrayants. Mais malheureusement, ce qui suit ne permet pas de sympathiser avec lui. Il décrit d'abord l'ivrognerie habituelle avec la réprobation qu'elle mérite. Mais ce qu'il reproche à l'homme dégradé, qui oubliant chaque jour sa dignité dans les excès d'une hideuse ivrognerie, c'est de ne pas attendre le jour que Dieu a consacré au repos, à la distraction, au plaisir, pour se livrer à son ignoble passion. Puis il ajoute ces paroles dangereuses. Mais condamnerons-nous sans retour notre frère pour un jour d'intempérance passagère? Et blâmerons-nous celui qui, cherchant dans le vin ce présent du ciel, un moment d'oubli des misères humaines, n'a point su s'arrêter à cette douce ivresse, oublieuse des maux et créatrice d'heureuses illusions? N'est-ce pas là se servir de l'éperon, où il aurait plutôt fallu employer la bride? Il me semble que le monde, et surtout le monde français, est assez disposé à s'amuser, sans qu'il soit nécessaire de le lui recommander du haut de la chair. Ce n'est pas que la sévérité imprudente et antichrétienne du clergé, soit calviniste, soit catholique, ne doivent être avec raison attaquées, mais il ne faut point que ces attaques adoptent un langage licencieux ou qui puisse être interprété dans ce sens. En effet, quel chrétien, prêtre ou laïc, de quelque communion que ce soit, pourrait répéter sans rougir le passage suivant? Rappelons-nous que le patriarche roi, lui qui planta la vigne et exprima le jus de son fruit, en abusa une fois, et que Dieu ne lui en fit point le reproche. Dieu punit au contraire le fils qui n'avait point caché cette faiblesse d'un père. Après l'éloge du vin vient celui de la danse. Mais quoique j'approuve grandement cet exercice pour les jeunes gens, et que je le regarde comme aussi innocent que naturel, je ne voudrais pas, si j'étais obligé de prêcher, m'adresser en ces termes à mes auditeurs. Quant au bal, je ne chercherai point à les excuser, à les défendre par des exemples puisés dans l'Écriture sainte. Je ne vous représenterai pas David dansant devant l'arche. Je ne vous le donnerai pas non plus pour modèle, à vous, jeunes gens de notre France, si polis, si élégantes, car sans doute ils dansaient mal, puisque, suivant la Bible, Michol, sa femme, voyant le roi David qui sautait et dansait, se moqua de lui et le méprisa dans son cœur. J'avais l'intention de vous donner aussi quelques échantillons de la manière dont l'abbé Ouzou parle des représentations théâtrales, mais je craindrais que cela ne m'entraîna trop loin. Ce n'est pas qu'il n'y ait parfois de l'éloquence dans ce qu'il dit à ce sujet, mais ses opinions, toutes raisonnables qu'elles sont, auraient été mieux à leur place débitées du fauteuil de son cabinet que de la chaire de son église. À la vérité, ce qui est bien dans l'un ne peut être mal dans l'autre, mais la chair du prédicateur est consacrée à d'autres usages, et quoi qu'en visitant les spectacles, nous fassions peut-être une action aussi légitime et aussi innocente que de manger, quand nous entrons dans la maison de Dieu, c'est pour y recevoir des leçons plus importantes que celles de l'innocuité des représentations théâtrales.